Bonsoir à tous. Et voilà, ça marche. Toujours appuyer sur le bouton pour que le micro marche. Bienvenue dans cette table ronde, cette discussion plutôt, parce qu'on espère que ça sera une belle discussion sur une question qui est assez récurrente dans le cinéma, qui est de savoir pourquoi les acteurs deviennent metteurs en scène. Est-ce que les acteurs n'étaient pas déjà des metteurs en scène, en tout cas dans leur tête? Est-ce que c'est une progression? Est-ce que c'est inné? Est-ce qu'on passe par le fait d'être acteur pour peut-être apprendre sur les plateaux et devenir metteur en scène? C'est beaucoup de questions qu'on va se poser ensemble. On attend donc Pascal qui est en répétition, qui va arriver, Pascal Légitimus, d'ici quelques minutes. Anne-Lenis est là avec nous. Bonjour Anne-Lenis. Bonjour. Alors des petites présentations. Anne, évidemment, est actrice, on l'a vu dans nombre de films, Passage à l'acte, vous avez beaucoup travaillé avec Pierre Jolivet, En plein cœur, Ma petite entreprise, Le frère du guerrier, vous avez travaillé avec Agnès Jaoui, vous avez travaillé avec Sophie Marceau, évidemment vous étiez dans Intouchables parce que le grand public s'en souvient forcément, et vous avez réalisé 4 films, 5 pardon, vous avez réalisé 5 films dont vous avez écrit les scénarios, et ça va être une question très importante parce que c'est un point commun de beaucoup d'acteurs devenus metteurs en scène. Je cite les films, évidemment, Ceux qui restent en 2007. Je crois que vous êtes nommé au César du meilleur premier film et du scénario original pour ce film. Et suivront Les invités de mon père, Cornouailles, On a failli être amis, et La monnaie de leurs pièces. Pascal Elbé, qui est à ma droite. Alors Pascal, lui aussi, on le connaît en tant qu'acteur, mais un acteur qu'on va découvrir alors qu'il est déjà scénariste, et ça, les gens le savent sûrement moins. Le public vous a découvert notamment dans le film de Michel Boujna, Père et fils, que vous avez coécrit avec Michel Boujna. Vous avez beaucoup travaillé avec lui, vous avez beaucoup travaillé aussi avec Ariel Zetoun, vous êtes un acteur assez fidèle. J'ai eu peur que vous allez me dire communautaire. Mais non. Et ce qui marque aussi votre carrière, c'est que évidemment on vous connaît pour beaucoup de comédies, aussi des rôles beaucoup plus dramatiques, de Fils de l'autre, 24 jours, Piégé, plus récemment, vous montrez une autre facette de vous, et vous aussi, vous êtes passé à la mise en scène, avec un film qui s'appelle Tête de Turc, en 2010, suivi ensuite par Je compte sur vous, qui est sorti l'année dernière, si je ne m'abuse, 2018. Ouais. On s'en fout, en fait. Et on parlera de Pascal Légitimus tout de suite. Alors, on va passer 2 petits films qui ont été réalisés avec le concours de l'ARP. Ces 50 metteurs en scène qui ont dit en une minute ou un peu plus ce que c'était pour eux d'être cinéaste et d'être metteur en scène. Anne-Lenis, qui ne fait pas partie de l'ARP, en tout cas pas encore, n'a pas fait ce petit film et ce petit exercice. Alors, je voulais déjà vous poser la question avant qu'on voit les deux films des deux Pascal. Pour vous, être cinéaste aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? Vous avez une minute. Moi, vraiment, j'espérais très très fort passer après mes collègues pour pouvoir plagier. C'est la galanterie. Eh ben non, c'est raté. Et donc, c'est raté. Aujourd'hui, comme hier, est-ce qu'il y a vraiment une différence? Oui, dans la manière dont on pratique notre métier, sûrement, c'est en train de changer en ce moment. Sinon, c'est toujours la même chose. Essayer de créer un monde, raconter une histoire. Toucher les gens. Est-ce qu'il y a une volonté de, peut-être pas de délivrer un message, mais de porter une thématique, d'amener quelque chose? Je dirais, dans mon cas en tout cas, il y a une volonté de partager des questions auxquelles je ne peux pas répondre ou qui m'obsèdent, et de les partager, d'espérer peut-être qu'en les posant, je vais trouver les réponses ou que les spectateurs vont m'apporter les réponses. Mais c'est plutôt ça, un questionnement plutôt qu'un message. D'accord. Alors, ce qu'on va faire, on va regarder déjà le film de Pascal Elbé, sa petite intervention. Et voilà, Pascal Légitimus qui arrive. La table est au complet. On passe le film de Pascal Elbé. Et on revient tout de suite. Être cinéaste, aujourd'hui, d'abord, c'est entrer en résistance, parce que ça devient évidemment compliqué de raconter des histoires, mais ça reste pour moi le plus bel outil. Pour éveiller, le plus bel outil pour faire rêver. Évidemment, il y a les livres, mais comme le cinéma en général sait travailler aussi avec l'écrit, avec les livres, ça reste, je pense, sans doute le plus bel espace de liberté encore encore disponible aujourd'hui. Et c'est ce qui permet de rêver, de réfléchir à voix haute. Vous allez voir que la réponse de Pascal Légitimus sera un peu plus... Être cinéaste aujourd'hui, moi qui suis un jeune réalisateur en toute humilité, c'est être témoin du monde. Témoin du monde parce que j'estime que c'est un acte politique et psychanalytique. J'explique. Politique parce que je suis témoin de ce qui se passe. J'ai envie de transmettre soit des émotions ou des choses qui sont en décalage. Et psychanalytique parce qu'en réalisant, je me réalise moi-même. Je grandis en observant, en buvant ce qui se passe autour de moi. Et puis en même temps, le cinéma aujourd'hui a beaucoup changé, évidemment, parce qu'au Moyen-Âge, on chantait. Ensuite, il y a eu la peinture. Ensuite, il y a eu, on va dire, la pellicule. Ensuite, au juste, il y a eu le numérique. Et grâce à Internet, on est témoin de ce qui se passe à l'autre bout du monde. Donc, des histoires, il y en a de plus en plus à raconter. Donc, le cinéaste aujourd'hui est témoin et en même temps, c'est un transmetteur. C'est pourquoi, moi, en tant que réalisateur, je transmets et je mets en transe. Alors, Pascal, je vais passer par les présentations parce que je l'ai déjà fait pour nos deux acolytes qui sont là. Alors évidemment, est-ce qu'il faut présenter Pascal Légitimus? Évidemment, les inconnus, évidemment, énormément de comédies que vous avez tournées. Vous avez aussi beaucoup travaillé pour la télévision. Vous avez beaucoup travaillé au théâtre et vous avez réalisé un court-métrage qui s'appelle Abus de confiance en 1997 et Antilles sur scène qui était votre premier long métrage où vous jouiez beaucoup de personnages. C'est une sorte un peu d'hommage à Eddie Murphy mais avec un contexte différent. On était à la fois dans la comédie, dans quelque chose de différent. Et puis vous avez co-réalisé avec deux garçons qui s'appellent, je crois, Didier Bourdon et Bernard Campan. Je ne sais pas si vous voyez exactement qui ils sont. Les trois frères. Les trois frères, le retour en 2014. Peut-être la première question que je vais vous poser à vous, Pascal, on en parlait. Vous avez été tous scénaristes et vous avez travaillé sur des scénarios, pas forcément de films que vous avez mis en scène, avant de venir à la réalisation. C'est peut-être ma première question. Est-ce que le passage obligé d'un acteur pour aller à la mise en scène passe par le scénario et par l'écriture de scénarios ou la collaboration à des scénarios pour d'autres metteurs en scène? Passe le relais. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes et bonsoir les autres. Oui, à un moment donné, quand on est réalisateur, c'est pas anodin. C'est vrai que c'est pas anodin. Et au début, j'étais tout jeune, j'ai commencé, j'avais 10 ans et je me voyais pas du tout là où je suis. Mais c'est en travaillant mon métier que j'avais envie d'exprimer des choses. Et puis ensuite, je me suis dit, c'est un peu tôt pour réaliser. Donc j'ai appris, j'ai observé comment on a fait tout sur les tournages, j'ai posé des questions. Technique, parce que pourquoi tel axe, pourquoi telle chose, pourquoi tel point de vue. Et ensuite, on a des choses à raconter. C'est-à-dire des choses qui ne peuvent passer que par soi-même. Et on est mieux servi que par soi-même, surtout quand on réalise. Et c'est vrai que j'ai écrit quelques scénarios qui ont été tournés par d'autres, et il y a toujours une petite frustration de me dire « Ah, j'aurais pas fait comme ça, ah, j'aurais pas eu ce point de vue-là ». Donc à un moment donné, on est obligé de dire, voilà, de prendre les choses en main et puis de mettre la main à la pâte. Donc ça, c'était par obligation, mais pour ne pas me trahir. Ensuite, comme je l'ai dit là, l'envie de réaliser, c'est, je ne suis pas un réalisateur qui va faire un film tous les ans, c'est que j'ai des histoires dans ma tête, j'en ai cinq ou six encore, que j'ai envie d'éditer sur de la pellicule ou sur du numérique. Et je prends mon temps, mais parce que, comme je dis, c'est un acte politique. Il y a des choses que j'ai envie d'exprimer. C'est une colère aussi. Parfois. Alors le premier film que j'ai réalisé, c'est Antilles sur scène. C'est un film que j'étais obligé de faire parce qu'il y avait la problématique des quotas pour les gens à forte pigmentation, pour être poli. Et à un moment donné, il se passait pas grand-chose. Et donc je me dis, comment je peux aider cette ouverture un peu racisante? Parce que c'est aussi bien les gens de couleur, mais les Asiatiques, les handicapés, les aveugles. Enfin, la France n'est pas représentée d'une manière... avec un spectre assez large. Donc j'ai fait ce film qui est une espèce de bande dessinée, parce que je voulais qu'il soit pérenne dans la forme. Et j'ai mis tous mes copains, acteurs black, que vous connaissez plus ou moins, entre Médondo, qui est décédé il n'y a pas longtemps, Édouard Montout, Thierry Desroses, etc. Donc c'était un hommage à ces gens-là. Mais ce film a un défaut, c'est qu'il est trop riche, il y a trop de choses. Donc déjà, je m'étais dit, OK, la prochaine fois, on va faire des choses beaucoup plus simples. Voilà, ai-je répondu à votre question ? Oui, vous avez répondu à ma question. C'est gentil, merci. Mais il y en aura d'autres, hein, Pascal. Tant mieux. Pascal, mais vous aussi, vous arrivez au scénario relativement tôt, notamment sur Mauvaise foi, de votre ami Roche Dizem. C'était la même chose que Pascal ? Il y avait des histoires qui devaient sortir et qui ne pouvaient sortir que comme ça ? Ou autre, hein, ça peut être une rencontre, non, ça peut être une occasion. Là où je rejoins Pascal, c'est souvent, pour avoir écrit pour les autres, c'est un jour l'envie de faire ses propres erreurs. Puis ma mère, quand j'allais à l'école, me disait « fais ce que tu peux, ça détend bon, ». Du coup, j'ai rien fait, hein, je sortais après le bac. Mais c'est vrai que c'est de se dire à un moment donné, faire ses propres erreurs. J'ai accompagné des camarades comme Michel Bougenin, Roche Dizem et d'autres. Et un jour, on se... Oui, c'est un peu le même chemin. C'est un jour, on voit ces histoires qui sont portées à l'écran et puis on se dit, ben, je trouve que là, le point de vue est parasité par peut-être... la réalisation pour cette façon de raconter l'histoire, mais après, je vous dis franchement, je trouve que nous autres, les auteurs, je fais toujours un distinguo entre les auteurs et les écrivains. Nous, on est des bricoleurs, on est là pour. C'est un objet de transition. Le but, c'est de faire de l'image. On va pas lire des scénarios dans les bibliothèques, dans les écoles. Des scénarios, ça veut rien dire. Extérieur jour, je me fais chier. Extérieur nuit, barre-toi. On a un objet de transition. Donc déjà, on est sur un fil, on est déséquilibriste parce qu'on est sur un objet de transition dont on n'a aucune garantie qu'un jour, ils se concrétiseront et que ça deviendra un objet concret. Donc déjà, c'est déjà un métier qui vous met face à une espèce de fragilité de fait. Alors, il faut avoir des idées très ancrées, très chevillées au corps pour se dire, cette idée-là, il faut absolument qu'elle soit partagée parce que sinon, je pense que... ma société va rater un chapitre important. Heureusement que j'arrive. Donc moi, c'est plutôt de me dire, oui, à un moment donné, ça devient indispensable, ça devient nécessaire d'écrire, mais d'abord, c'est pour se sauver soi-même. Moi, quand un jour, j'ai fait un travail psychanalytique et que j'ai été raconter à mon psy, je fais ce métier pour donner du bonheur aux gens. Bah oui, il m'a traité d'escroc tout de suite au premier virage, il m'a fait sortir de la route. C'est d'abord, on fait ce qu'on peut, ce qu'on essaye de... Et un jour, tout doucement, peut-être avec le temps, on commence à faire ce qu'on veut. Mais au début, c'est assez flou. On a cette envie de raconter des histoires. Et puis, c'est en écrivant, et puis tout doucement, en filmant, qu'on commence à trouver son ton, son style. Mais surtout, ce que j'aime bien au début, c'est qu'il ne faut pas être parasité par des références. J'ai vu trop de camarades qui étaient parfois, d'ailleurs, comme vous, critiques de cinéma, qui sont passés de l'autre côté, et qui parfois ont mis un, deux, trois films pour s'affranchir de cette référence qui les parasite et qui les englue. Ce sont deux métiers très différents. En tout cas, c'est des métiers différents, mais surtout, c'est la liberté de se dire, il faut être complètement fêlé pour se dire, je vais raconter un film et ça va intéresser les autres. Il faut avoir une espèce de confiance et en même temps de fragilité. Et récemment, pour finir ça, parce que c'est toujours un peu étonnant, moi, je ne peux pas dire que j'ai été trop parasité par ma culture. J'ai passé mon temps à courir après. Mais du coup, quand je ne connaissais pas, je le disais. J'ai jamais été celui qui disait qui faisait semblant de savoir. Alors il y a des fois, c'était un peu limite, on m'a fait passer pour un âne, et puis il y a des fois où j'étais moins con en me couchant. Mais vous voyez, il n'y a pas longtemps, j'ai eu la chance de faire un atelier d'écriture en Suisse avec Stephen Frears, et à un moment donné, on était à table, et je lui parle de Dino Rizzi. Alors je me dis, il ne connaît pas parce que je prononce mal, donc je lui montre Dino Rizzi, et il ne sait pas qui c'était. Et pourtant, c'est un cinéaste qui n'a jamais écrit. Mais il a su, son écriture, c'est de choisir les sujets, finalement. Et finalement, il a eu un propos qui, pour moi, dépasse, après c'est personnel, mais en sincérité et en force, pour moi, il arrive comme Mike Lim, et en au-delà même de Ken Loach, à choisir des sujets qui sont à la fois populaires et très ambitieux. Et pourtant, voilà, quelqu'un qui ne connaît pas Dino Rizzi et qui ne va pas vous faire deux heures sur le néo-réalisme italien. Et je me dis, c'est ça qui est beau dans le cinéma, c'est quelque part, c'est une fenêtre qui s'ouvre un peu pour tout le monde, mais pas avec n'importe qui. Voilà. Anne, vous êtes passé directement de l'un à l'autre. Votre premier film, vous l'avez écrit, vous l'avez mis en scène. Je le disais tout à l'heure, vous avez même été nommé au César pour ce premier film. Ça a été une envie peut-être un peu plus brutale, brusque, où les choses se sont faites comme ça et vous avez pu vous atteler au projet du temps qui reste. De ce qui... Alors, en... En fait, moi, au départ, je voulais être écrivaine ou actrice. Je ne savais pas qu'on pouvait être réalisatrice parce que j'étais d'un milieu qui était très loin de ça. Et puis, il n'y avait pas de femme réalisatrice aussi. Enfin, il y avait Agnès Varda, mais à l'époque, pour la connaître, il fallait être très, très pointue. Donc, je suis devenue actrice. Puis je pense que j'ai pas osé écrire de littérature parce que ça me semblait vraiment rentrer dans l'église, rentrer dans le temple. Et comme dit Pascal, c'est un objet. On passe beaucoup de temps à l'écrire, on travaille énormément sur le scénario, mais finalement personne ne le voit jamais, enfin que ceux qui vont le transformer en autre chose. Donc, voilà, c'est une manière d'écrire qui est un petit peu cachée, un petit peu enfouie finalement. Je sens que je ne pars pas du tout sur votre question là, en parlant. Oui, et ensuite, comment ça s'est fait ? Non, effectivement, moi je suis. Non, en fait, j'avais écrit un scénario de long métrage que je n'avais pas l'intention de réaliser. Et je vivais à l'époque avec quelqu'un qui m'a traité de dégonfler pendant un an et demi parce que je ne voulais pas le réaliser. Et globalement, je suis devenue réalisatrice pour lui claquer le beignet. Donc j'ai écrit un autre scénario. Voilà, pour le réaliser, le hasard a fait que, en fait, les deux tournages ont commencé le même jour, celui de mon premier scénario, celui de mon premier film. Mais le premier scénario que j'ai écrit, le film est sorti après mon premier film. Alors, j'allais vous poser la question du déclic, parce qu'il y a quand même un moment, un déclic, la chose qui fait qu'on se dit, OK, je signe et là, je vais faire mon premier film. Claquer le beignet de son mec est un voilà, très très bon déclic. Pour Anne. Ouais. Pascal, il y a un moment où, quand arrive ce moment où on se dit ça y est, il faut y aller, j'y vais. En fait, pour moi, c'est une question de dimension. J'ai écrit beaucoup de sketchs pendant des années avec mes camarades, et puis même quand j'étais gamin, des pièces de théâtre, des spectacles. Et à un moment donné, il y a une autre dimension. On passe dans une autre dimension. Écrire des sketchs, c'est un début, un milieu, et il faut une chute toujours avec des personnages. Comme vous le savez, on a interprété des personnages, donc avant tout des acteurs. Nous les inconnus, donc on a envie d'interpréter. Et à travers l'interprétation, forcément, on se dit, tiens, ça peut être plus grand. Donc le film, c'est la prochaine étape. Sketch, télévision, cinéma. Et le cinéma, pour moi, c'est quelque chose de beaucoup plus noble, beaucoup plus cher. Et je m'étais dit, je n'ai pas envie de perdre de l'argent, je n'ai pas envie que des gens perdent de l'argent à cause de moi. Donc je m'étais dit, alors, si 500 000 personnes aiment ce que je fais à 20 euros, ça fait combien ? Donc on est 67 millions de Français, s'il y a 2 millions de personnes qui aiment ce que je fais, à 20 euros, donc je calculais comme ça. Après je me dis, vas-y, donc fais des films pas trop chers, parce qu'on m'a toujours dit, fais des films pas trop chers, le premier pas trop cher, le deuxième un peu plus, et le troisième après, quand tu seras adoubé par la profession. Mais je ne fonctionne pas comme ça. C'est vraiment quand il y a une histoire qui me ronge, il faut que ça exulte, et je me dis, il faut que je transmette. Donc c'est vraiment, c'est pas par ego que je réalise, c'est parce que j'ai envie de prétentieusement de faire avancer un peu le schmilblick, quoi. Pour ceux qui ont connu le schmilblick. Voilà, c'est juste une vraie, c'est une idée éruptive qui ne peut que sortir. Pascal. Et qui a du sens. Voilà, c'est important, faut qu'il y ait du sens. Pour Tête de Turc, le déclic, qu'est-ce qui se passe? Alors, peut-être de Turc, déjà, moi, quand j'étais plus jeune, j'ai fait un court-métrage. Je m'en rappelle avec, avec un monsieur que j'aimais beaucoup, qui s'appelait Maurice Chevit, et Emmanuel DeVos. Et je me rappelle qu'à l'époque, j'avais été très heureux de réaliser ce petit film sur 3 jours. Je ne l'ai pas montré parce que j'étais tout de suite, je suis parti un an et demi travailler, j'écrivais pour les clowns du Cirque du Soleil, en fait. Je suis parti un an et demi à parcourir un peu le monde, donc j'ai pas eu le temps. Et en rentrant de cette aventure, j'ai fini le scénario de Père et Fils. Et sur le tournage de Père et Fils, donc on était au Canada avec Philippe Noiret. Et puis je voyais bien que, heureusement que Michel Bougenat était à l'humilité et l'élégance parfois de me laisser parler, même s'il avait envie de me gifler. Mais je sentais bien que cette grammaire m'était. Est quelque chose que j'ai immédiatement assimilé. Ça veut dire que je me suis pas posé de questions. Je me dis, maintenant, c'est à moi d'y aller. Et quand j'ai commencé à écrire, grâce à la confiance d'un producteur qui s'appelait Patrick Godot, qui m'a dit, ce serait bien maintenant que tu t'y mettes. Finalement, c'est aussi eux qui nous donnent qui font entrevoir concrètement cette possibilité, parce que de la même façon qu'avec Anne, moi dans ma famille ça n'existait pas, c'était une grammaire qui était complètement inconnue, et de me dire qu'un jour je pourrais tenir une caméra et réaliser un film, c'était aussi, il faut du temps, parce que j'étais pas du tout, enfin je me dis c'était quelque chose de... D'ailleurs, pour les gens ici qui ont des velléités d'écrire et de réaliser, j'espère que vous êtes nombreux, il faut tellement s'en foutre, il faut faire ça comme dirait Godard, comme un braquage, quoi. Il faut faire ça avec... Il n'y a pas de légitimité, quoi. Là, c'est la seule légitimité, j'allais dire, c'est sa conviction. Et après, bah, vous et votre chance et votre talent. Mais il ne faut pas attendre le... Moi, j'ai quelqu'un qui m'a un peu accompagné. Et puis, quand j'ai commencé à écrire Tête de Turc, j'étais parti pour faire une comédie. Et puis, il y a eu un fait divers qui m'a marqué. Jeune conductrice de bus noire qui s'est fait prendre en guet-apens et asperger, brûler vive et tout. Et c'est vrai que tout d'un coup, le sujet... je me disais, ça sera plus le même. Moi, j'étais parti sur un film qui s'appelait The Front Page, qui était avec Jack Lemmon et Walter Matthau, où il se prend... On va changer votre micro. D'accord. Balle neuve. Et il se prend une balle dans la tête, ils font jouer les assurances. J'étais parti sur une espèce de comédie comme ça. Comment on dit ? Il s'appelait... C'est pas Front Page, c'est un autre. C'est la balle dans la gueule. Ça, oui, je vois très bien, oui, avec Jack Lemmon. Ah, c'est pas Front Page, t'as raison, ouais, c'était sur les journaux, t'as raison. Oui, t'as raison. Et à l'arrivée, tout d'un coup, ce film est devenu un film qui est un espèce de polar social que j'ai pas vu arriver. Et là, on m'a dit, mais qu'est-ce que tu fous avec ce film-là ? Et en fait, en découvrant après le film, par la suite, en le revoyant calmement, bah oui, j'ai mis beaucoup de moi-même, finalement, sans le savoir. Et j'allais dire que cette impulsion, c'est une somme de regards. Parfois, c'est votre famille qui vous donne compte. Mais pourquoi tu réalises pas, putain ? Et puis, c'est un producteur qui vous dit, on y va. Seul, on n'est pas grand-chose dans ce métier. Il faut avancer avec sa conviction. Mais c'est quand même un sport d'équipe. Il faut avoir confiance dans le regard de l'autre. Il faut le partager. Il ne faut pas penser que si on le partage, on se dilue dans son envie ou dans sa capacité. Et quelque part, j'ai jamais lâché ça, de me dire que on fait vraiment c'est une discipline qui est folle, parce que ça demande beaucoup d'abnégation, beaucoup de courage, parfois beaucoup de sacrifices. Quand on a tous fini d'écrire un film, on sait que c'est beaucoup de nuits de sommeil, c'est beaucoup de vacances gâchées, c'est beaucoup parfois de tension dans sa vie de famille, parce que c'est assez monomaniaque comme activité. Mais que quand on arrive au bout et que ça se concrétise, c'est un... Hein, oui, il y a des joies incroyables. C'est ça qui fait... Oui, c'est ça. Il y a un truc de joie qui fait oublier tout le reste. C'est quand même 95% pas de joie. Non, parce que... Oui, justement, c'est 5% de joie. Moi, pour ceux qui le savent dans la salle, et moi, j'ai observé beaucoup de metteurs en scène au travail sur des tournages. C'est quand même le boulot le plus fou du monde. Excusez-moi du terme, c'est un nid en merde quotidien, oui, d'heure en heure. Ouais. Un metteur en scène sur un plateau, c'est quand même la personne qui va devoir répondre 50 fois par heure à oui, non, prendre des décisions. Mais ça, c'était pas mal quand même, parce que quand on a vécu dans une famille nombreuse, pour avoir la parole à table, il faut se battre. Mais vous qui étiez confortablement, entre guillemets, acteur, c'est un peu plus confortable que metteur en scène, peut-être, vous seriez peut-être pas d'accord avec ce que je viens de dire. Non. Mais voilà, c'est quand même se mettre des problèmes sur le dos, non ? D'autres problèmes, des problèmes différents, qui sont le trop-plein, trop de responsabilités, trop de choses à faire, mais acteur, c'est pas mal de problèmes aussi, quand même, qui sont parfois le creux, le vide, ou ne rien décider. Tout décider, oui, ça peut pour certains être du stress ou une pression, mais ne rien décider, c'est aussi un stress et une pression terrible. Vous en avez souffert ? Mais bien sûr, des fois. Du fait d'être acteur et d'être frustré. Bah, quand on travaille, pas quand je travaille avec des gens qui sont talentueux ou que je comprends le projet, mais des fois d'être coincé dans des trucs et il faut manger, hein, on ne fait pas toujours... voilà. D'être coincé sur des projets où je ne peux rien décider, où je vois qu'à mon sens on prend toutes les mauvaises décisions, toutes les mauvaises routes, et que je ne peux rien faire, et que si j'ouvre ma gueule, enfin d'abord je n'ai pas à ouvrir ma gueule, et que si je l'ouvre juste, voilà, je vais me faire virer. c'est une autre forme de stress. Ça peut être un soulagement finalement, ce nid en merde, je suis d'accord avec vous, qu'un film, que de diriger un film, de tout faire soi-même, de tout décider. Au moins si ça sera raté, on sait que ça sera vraiment sa faute. Pascal Légitimus, vous avez vécu ça aussi ? Oui, oui, effectivement, on a vécu cette frustration grandissante quand on vient sur un tournage, on se dit mais qu'est-ce qu'on fait là ? Alors que le scénario est génial, mais il y a toujours un truc qui ne va pas. Soit la production n'est pas bien, ou la cantine n'est pas bien. Voilà. Mais là où je peux intervenir prétentieusement, c'est quand il y a de l'humour. Et bizarrement, on m'écoute un petit peu. Quand je sens qu'il y a un truc qui va capoter, qui n'est pas dans le bon acte, je dis excusez-moi. Alors, comme j'ai une légitimité sans faire de jeu de mots, j'essaye de rattraper le coup. Mais quand c'est du drame ou des sentiments subtils, je n'interviens pas par rapport aux décisions. Mais dès qu'il y a un gag, entre autres, ou une réplique qui n'est pas bien sentie, où il faut changer un verbe ou une intention, voilà, s'il vous plaît, est-ce que je peux me permettre ? On m'écoute un peu, donc, et des fois ça marche souvent, parce que c'est l'expérience tout simplement. Donc voilà. Mais c'est vrai que oui, des fois, il y a des tournages, on se lève le matin, on fait waouh, c'est chaud quoi. Mais bon, c'est bientôt les impôts, troisième tiers, tout ça, à la source, voilà, donc. Voilà. Est-ce que vous avez, parce que ça c'est un autre fantasme qu'on a beaucoup sur les acteurs devenus metteurs en scène, est-ce que vous avez appris sur les plateaux en regardant les metteurs en scène avec qui vous avez tourné ? Oui, oui ou non ? Alors, vous avez été frustré par moments, est-ce que vous avez aussi beaucoup appris des gens avec qui vous avez travaillé ? Est-ce que vous, oui. Et est-ce que vous seriez oui. même passé à la mise en scène sans les avoir observés et en avoir un peu appris d'eux ? Ah, peut-être, oui, mais quand on voit des bons, puis moi, je sais pas, j'ai eu la chance de travailler avec des gens comme Claude Miller ou Agnès Jaoui ou des gens comme ça, ou Jolivet ou Pascal Thomas. Oui, on voit que c'est possible parce que la langue qu'ils parlent est merveilleusement compréhensible par tout le monde. Leurs intentions sont claires. On voit une pensée qui se dégage. Oui, ce qu'ils font paraît tellement limpide qu'on se dit que c'est possible et que ça apprend, il me semble. Et puis, je crois que sur un plateau, il y a deux choses. Il y a la direction d'acteur, il y a la mise en scène et il y a la technique. C'est vrai qu'on peut être réalisateur et peut connaître la technique. Parce que des fois, dans des axes, effectivement, il y a des intentions qui sont particulières, que ce soit longue focale, courte, ou dessus, en dessous, travelling, bref. Donc, chaque axe décision a une intention affective. Mais c'est vrai que nous, je pense, à force d'avoir travaillé et observé, au niveau des intentions, au niveau voilà, de l'interprétation, on a appris beaucoup et on peut ressentir les choses. Après, la technique, c'est encore autre chose. C'est pour ça que moi, j'ai appris beaucoup la technique. J'ai posé beaucoup de questions pour comprendre. Et puis, vu beaucoup de films, des Capra, des Lubitsch, des Harold Walsh et John Ford. Et puis, d'avoir écouté des documentaires sur leur manière de travailler. Mais il y a toujours une part de chance, une part de risque. On se dit, tiens, je vais essayer ça, on verra ce que ça donne. Et après, il y a le montage, évidemment, qui est vraiment l'ultime étape. On peut changer les choses et on découvre beaucoup de choses, qui fait partie aussi de la mise en scène. Vous avez aussi travaillé, vous êtes fait la main, entre guillemets, sur des clips, sur plein de choses. Moi, j'ai fait beaucoup de pubs. Oui. On ne sait pas que c'est moi, mais j'ai fait beaucoup de pubs, peu importe. Beaucoup de clips. Et ça m'a permis de maîtriser la technique avec beaucoup d'argent. Parce que l'argent est tellement gaspillé quand il y a de la pub. Un peu moins aujourd'hui. Mais j'ai pu apprendre certaines choses. Et aussi de travailler avec un budget. Parce qu'on te donne un budget, il ne faut pas le dépasser. Ça, c'est l'angoisse du réalisateur. Terminer à l'heure et de ne pas dépasser le budget. Et ça, c'est une pression un peu lourde. Parce qu'il y a des fois, il y a des décisions à prendre. On n'a pas telle grue. Qu'est-ce qu'on fait ? Ah, il faut prendre une décision. Donc, c'est aussi... effectivement, mais moi, j'adore ça. Hein. Je ne veux pas me plaindre. Alors, dans la presse, parce que les journalistes ne sont pas exempts de défauts, je suis le premier à le dire, j'ai un peu l'impression que quand un acteur fait un premier film, il y est attendu avec assez d'attention et de bien. Ça ne nous gêne pas, hein, si vous voulez rester. Hein. Non, ça ne nous gêne pas du tout. C'est tellement génial d'avoir quelqu'un qui, ce matin, il s'est engueulé avec sa femme pour dire « Mais j'avais dit que j'allais à la rencontre du machin. » Mais oui, bah, je peux pas. Vous ne voulez pas rester, vraiment, ça ne nous gêne pas. Hein. Non, mais non, venez, non, venez. Non, nous, ça ne nous dérange pas. Honnêtement, restez avec nous, c'est pas, ça ne nous gêne pas, c'est la vie, ça. Voilà. Enfin, soyez raisonnable quand même, n'allez pas. Et hey, il n'y est pas rien quand même. Hein. Bienvenue, restez avec nous. Voilà, oui, ça va mieux déjà. Il faut former la nouvelle génération de cinéphiles en plus. Donc. C'est le futur patron de l'art. Ils sont jeunes pourtant. Oui, j'ai l'impression qu'avec les films d'acteurs, alors on dit oui, bon, ils sont acteurs, ils font un film. D'accord, allez, les acteurs font parfois des films, sorte de caprice. Le premier film, on le reçoit avec souvent de bienveillance. En revanche, le deuxième. Pour ceux qu'on en fait plusieurs, on vous attend vraiment au tournant avec une Kalachnikov à la main. la presse ou les autres, hein, ou le milieu, la profession, comme on dit. Vous l'avez ressenti, ça ? Alors, moi, personne ne m'attendait au premier, parce que moi, je n'avais pas du tout la notoriété de mes camarades au premier film, donc personne ne s'est dit « Ah, Anne Leny fait son film !» Je n'étais pas du tout identifiée. Je pense que le deuxième film, le troisième, enfin, de toute façon, il y a toujours une certaine bienveillance pour le premier film, qui que ce soit, je pense même pour les réalisateurs qui ne sont pas acteurs. Ensuite, on rentre dans le métier, on ne vous fait plus de cadeaux, mais c'est normal. Pascal ? Moi, j'ai fait simple. Sur le deuxième film, je n'ai pas lu un papier. Je crois que j'ai bien fait. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est pas ça, on s'en fout. On ne fait pas des films pour les critiques. Et si on a des bonnes critiques, ça nous apaise, ça nous empêche de faire trop de cauchemars. Mais en réalité... il faut, moi, Pascal, on ne se souvient que des mauvaises, enfin. C'est vrai, non, mais regardez, quand vous allez faire du théâtre, vous accrochez avec la seule personne qui fait la gueule ou qui est en train de s'endormir, alors qu'il y en a tellement qui sont heureux à côté d'elle, mais c'est elle, salope. Mais moi, c'est pas ça. Je pense que le plus important sur son deuxième film, c'est son deuxième film. C'est le choix du sujet qu'on va traiter. Moi, par exemple, j'étais malheureux. J'ai fait un deuxième film parce que je voulais... Il y avait un espèce de challenge. Mon deuxième film parlait comme ça grossièrement de la manipulation d'un escroc qui manipule des gens au téléphone. Et je trouvais ça, je me dis, tiens, c'est un beau challenge de faire un film cinématographique avec cette grammaire particulière, téléphonique, à rien de plus ingrat. Mais il fallait quand même que je sois quand même un âne batté, il n'y a pas d'autre terme, pour que chercher un challenge dès mon deuxième film. J'aurais pu le chercher au dixième, tu vois. Et puis j'étais malheureux du sujet. Donc la presse n'avait plus aucune importance, parce que j'étais mal. Au moment de le faire, je me suis dit, allez, on y va. Et j'étais très heureux de le faire à l'arrivée avec mes camarades, Zabou, Vincent Elbaz et tout le monde. Mais j'étais triste et je me dis, quand même, il faut vraiment. Et là, je parle à tous mes camarades qui sont aussi avec nous, qui le feront, qui l'ont déjà fait. C'est bien réfléchir sur ce qui résonne en vous pour porter une histoire. Parce que cette histoire-là, elle va durer 3 ans de votre vie. Et au moment de le faire. Si vous avez un espèce de quelque chose qui vous retient, c'est trop tard. Et c'est vrai que moi, mon deuxième film, le jour de la sortie, j'ai dit, mon producteur m'a dit, tu crois que ça va sourire ? J'ai dit, moi, j'irai pas. Moi, j'irai pas voir ça aujourd'hui. Ça n'empêche en rien que c'est un film de genre qui est maîtrisé, que je trouve solide, il est bien. Je n'aurais pas été voir ça. C'est ça le deuxième film. C'est qu'à un moment donné, porté par le... C'est vrai que mon premier film, ça s'est très bien passé, les Césars, les prix partout, machin. Et puis, monsieur, il veut faire du challenge parce qu'on m'amène un sujet qui n'était pas le mien. Et puis, au bout de 3 ans, je me dis, il m'a saoulé ce sujet. Et il fallait y aller. Alors, j'y suis allé avec toute la conviction et tout l'amour que j'ai pour mes camarades et puis pour cette grammaire que j'adore. Mais je me dis, le deuxième film, ce n'est pas tant la critique dont il faut se méfier, c'est de soi-même. Toscan du Plantier disait que le plus dur à faire, c'est pas le premier, mais c'est le deuxième film. Oui, et tout d'un coup, je me suis rendu compte que là, sur le troisième que je vais commencer, si tout se passe bien, bientôt, ça m'a servi de leçon, parce que celui-là, voilà, ça fait 3 ans d'écriture, et beaucoup, encore une fois de plus, de nuits blanches et d'angoisse et de retour, parce que, évidemment, quand vous écrivez et que vous réalisez, on dit que c'est l'école de la vie, mon œil, c'est surtout l'école de l'humilité, parce que quand vous envoyez parfois des scénarios à des camarades et que vous avez pour seule réponse un silence... Des gens avec qui vous avez joué, vous êtes parti, vous êtes renvoyé la balle. Vous savez, c'est compliqué. Hein, ça apprend une sacrée dose d'humilité quand même de réaliser. Vous êtes dans la proposition et ils sont peut-être pas envie de danser avec vous. On est plus sensible à l'échec à l'échec artistique ou commercial d'un second film ou d'un troisième film quand on est acteur que metteur en scène. Je ne sais pas si c'est une question qui me vient comme ça. Je ne saurais pas répondre à ça. En sachant que peut-être la mise en scène est entre guillemets plus importante pour vous que pour les autres, peut-être, que pour d'autres metteurs en scène. De toute façon, on est plus malheureux. Oui, on prend une tôle sur un film comme acteur. Oui, comme acteur. On passe un mauvais week-end, mais. Voilà, c'est ça. On passe un mauvais week-end. Sûr, l'investissement n'est pas comparable, mais je pense que c'est juste le temps qu'on y a passé. Comme dit Pascal, dans un cas, il y a 8 semaines de tournage pour un acteur, et puis dans l'autre cas, il y a 2 ans de sa vie. Donc, c'est quand même pas la même chose. Et puis, quand on est acteur, on peut toujours dire « Oui, mais le scénario était vraiment pas terrible. T'as vu les dialogues que j'avais ? Non, mais le montage, ils ont tout coupé les scènes où j'étais bien. » Et voilà. On n'a aucune excuse quand on est réalisateur. Aucune. Pascal, vous êtes revenu à la mise en scène avec Les Inconnus pour... Oui, effectivement. Autant dans le premier... Alors, vous étiez trois à la mise en scène. C'est un autre en fait, challenge, ça encore ? En fait, les inconnus, donc Didier Bernard et moi-même, on a un fonctionnement particulier qui est assez mécanique, c'est presque un automatisme. C'est plutôt Didier qui se colle, on va dire, à la direction d'acteur, avec nous à côté. Bernard, c'est plus au niveau du texte, puisqu'il aime bien, c'est quelqu'un qui aime bien structurer. Et moi, j'apporte beaucoup d'idées. J'ai beaucoup d'imagination, et puis j'ai un regard assez juste sur les choses qui ne fonctionnent pas. On peut permuter, mais pour ne pas perdre de temps, on va obligatoirement dans cette direction-là. Mais pour le second, on s'était tellement investis tous les trois complètement dans cette histoire et on avait vraiment envie de coaguler les énergies que la mise en scène, il y avait toujours Didier devant. Mais voilà, j'ai participé un peu plus sur des points de vue. Et puis au montage, c'est surtout Bernard et moi qui avons fait le montage parce que Didier était pris sur un long métrage. Donc voilà, en tout cas, on est une famille, on est une équipe. Peu importe qui fait quoi, le résultat, c'est le résultat qui compte, effectivement. Voilà. Vous avez tourné à la télé, vous avez tourné un ou plusieurs épisodes de série, je crois. J'ai fait un épisode de Crime en série, une série que j'ai fait pendant 5 ans, qui se passait au Portugal. Donc c'était assez compliqué parce qu'il y avait beaucoup de cascades. Et je m'étais fait engueuler par Patrick De Wolf qui réalisait donc les épisodes précédents. Parce que lui utilisait deux caméras. Et moi, je n'utilisais qu'une seule caméra. Et il avait 21 jours, moi j'ai utilisé que 19 jours. Et il m'a dit, ouais, à cause de toi, on réduit mon budget, pourquoi t'as fait plus court ? Je dis, bah, je sais pas. Alors, dans ma tête, j'avais une réponse, c'est que j'ai beaucoup préparé en amont, j'ai storyboardé, comme je jouais et que je réalisais. Donc, j'avais une telle préparation qu'à la limite, on terminait à l'heure, et puis des fois, on se tournait les pouces, donc on inventait d'autres cadres pour nourrir. Mais la clé, c'est d'avoir un scénario très, très court. J'ai fourni un scénario de 84 pages au lieu de 110, 120 ou 96. Et ma productrice à l'époque me disait, mais t'es fou, tu vas faire quoi, 1h15, 1h20? Je dis, non, mais faites-moi confiance. Non, mais Pascal, je dis, bah, attendez, c'est moi qui réalise, je joue avec les acteurs, les copains, Christian Heck, Yvon Bac, on va pas, vous inquiétez pas, ayez confiance. Donc elle m'a pourri la vie, on a fait 1h32 à l'arrivée. Donc c'est pour vous dire qu'un scénario, il ne faut pas non plus qu'il soit trop trop long, parce qu'au montage, on coupe beaucoup de choses, et ça, c'est des choses qui ont coûté cher. Et du coup, on peut peut-être utiliser cet argent pour autre chose. C'est pour ça qu'il y a toujours un jour de retake. C'est ce que je fais tout le temps sur mes contrats. Un jour de retake, s'il y a un truc qui ne va vraiment pas, de garder en stand-by l'équipe et les comédiens pour faire une scène ou un point de vue qui n'a pas été assumé. Alors, dernier thème, on va vous donner la parole parce que je pense que vous avez des questions. Je discutais avec Jean-Paul Roux, ça fait quelques jours, au téléphone. Et je lui posais la question... de savoir comment se comporte un acteur devenu metteur en scène quand il redevient acteur. Et Jean-Paul me disait quelque chose de très intéressant. Il me dit, tout le monde me pose cette question, alors qu'il faut la poser à l'inverse. Et il faut dire, est-ce qu'un acteur devenu metteur en scène n'est pas beaucoup plus malléable et conciliant sur un plateau une fois qu'il a connu le poste de la réalisation? Vous êtes d'accord avec ça? Oui, bien sûr, à 100%. Oui. I agree. You agree? Oui, c'est vrai qu'on comprend beaucoup plus ces jours, on est beaucoup plus patient, on comprend beaucoup plus les choses, évidemment. Oui. Moi, je pense souvent que parfois, quand on est avec des camarades acteurs, ils ont beau avoir parfois 20 ans ou 30 ans de parcours, parfois ils posent des questions, on se dit c'est fou. Je tourne un film avec un camarade et le lendemain, il vient voir le metteur en scène en disant, je ne suis pas content de la scène, on peut la refaire. Et je lui dis, mais tu peux pas la refaire, tu sais, c'est des décors, c'est des locations, le lendemain on est ailleurs, ce n'est pas possible. Mais le mec, je me disais, il avait mon âge et ça faisait aussi longtemps qu'il faisait ce métier. Je dis, c'est beau d'avoir été préservé comme ça, de absolument pas connaître. Je traversais son métier avec cette insouciance-là, c'est merveilleux quand même. Mais c'est vrai que, et je dis souvent aussi, à des jeunes acteurs, et je dis, je trouve que il y a une école qui serait vachement bien. Au lieu d'aller faire des trucs d'improvisation à la con, là, dans des cours de théâtre parfois un peu brumeux, c'est bien dit. Allez faire des stages de montage, bande de cons. Non, mais je vais vous expliquer, c'est tout simple. Ouais. Vous jouez une scène, voilà, on est tous les trois. On sait que l'enjeu, c'est sur Pascal. La caméra, elle est là. Évidemment qu'il faut nous couvrir un peu. On est venu, ils nous ont fait venir, on est maquillés. Il faut nous filmer quand même. Mais, et on coûte très cher, de moins en moins. Et là, tout d'un coup, il y a moi, donc je commence à être un peu fébrile parce que, je sais pas, pendant qu'on est beaucoup sur Pascal, moi je sais pas quoi faire, je suis ce qu'on appelle dans le jargon des acteurs, on est en carafe. Alors c'est là que tout d'un coup, on vient voir un acteur comme moi et on lui dit, mais tu sais, ce que raconte la scène, le propos, l'enjeu de cette scène, elle est là. Nous, on va être juste en soutien, en regard. C'est notre regard qui est important, mais à peine. Ça va être sur Pascal qu'on va jouer. Une fois qu'on a appris ça, qu'on a appris comment se construit une scène, et donc comment elle s'écrit, et par la suite, comment elle se filme, puis comment elle se monte, ça nous permet aussi de s'économiser, ça nous permet de gagner en confiance, et ça nous permet de partager notre regard et d'être bizarrement plus écouté des autres. Je pense que ce serait un atelier, un bienfait. Que souvent les acteurs, on les coupe un peu de tout ça. La preuve, c'est qu'ils veulent retourner des scènes, mais c'est de se dire, oui, j'encouragerais dans les écoles de théâtre parfois à faire pendant 10 jours un stage avec des monteurs. Alors, qu'en pensez-vous? Alors, je peux être d'accord. En même temps, des fois au montage, je me dis si les acteurs se rendaient compte à quel point on va prendre un mot là, un regard là, etc. Non, ils deviendront terriblement paresseux parce qu'ils se diraient, voilà, on peut construire une scène tellement il serait moins capricieux parfois. Moi, même au montage son, sur un mot, une intonation ne me plaît pas, je monte une syllabe d'une autre prise. Voilà. Donc, mais c'est vrai que... Si on fait un métier d'image, il faut connaître les tenants et les aboutissants. C'est-à-dire, il faut connaître comment ça se fabrique. Et c'est vrai que c'est épatant parfois de parler moi avec des copains qui me disent qu'ils sont pas curieux de ce qui compose leur travail, mais en plus ils sont pas curieux du travail des autres. Et je trouve que autant moi j'ai dû combler certaines carences de culture que j'ai dû sur le tas demander, apprendre grâce à des gens comme eux. Et en même temps, il y a un truc que je trouve important dans son rapport à l'autre, quel que soit le métier, en tout cas encore plus avec celui-ci. C'est si un jour on a sa curiosité qui se tarit, il vaut mieux faire un autre métier. Moi, ça m'aide beaucoup de regarder les gens, mais ça m'aide aussi de regarder le travail des autres, d'aller beaucoup au cinéma. Je suis souvent assez. Vive le cinéma, je suis souvent assez surpris par des camarades qui me disent oui, t'as raison, je vais jamais, c'est con. Mais merde. Oh, y a quand même plein d'acteurs qui vont beaucoup au cinéma aussi. Change d'amis. Ouais, change d'ami acteur. Moi, j'ai été surpris. Hein. Parfois, quand je demande, t'as vu ça? Ouais, mais non. Alors, je pense aussi que c'est vrai que quand on est acteur, il y a un moment, il faut oublier tout ça. Il faut pas trop en savoir parce que si je commence à réfléchir à oh mon Dieu, ils ont mis la caméra là et là. Ah non, ça non, là, ça surtout pas. Et là, mon Dieu, ça va pas être mon bon profil et je. Voilà, ça peut commencer vite à empêcher de jouer. On peut savoir aussi, moi maintenant je sais, une scène qui ne donne pas une information principale et on va s'emmerder à tourner dans le froid à 2h du matin et qu'on me dit « et je vais la faire en plan séquence ». J'ai dit « voilà, je sais maintenant qu'elle va être coupée au montage, je suis très motivée pour la jouer » parce que, je ne sais pas, c'est un jeune réalisateur qui ne se rend pas compte que dans sa durée, le plan ne tiendra jamais et qu'il va être obligé de le couper et que s'il veut faire aucun plan de coupe, on est mort. Et des fois, je regrette de le savoir. Oui. Mais soyez franc, il n'y a pas des moments où vous avez envie d'aller le voir en lui disant « non, là tu te plantes ». Moi, ça peut m'arriver très rarement de le faire sur un premier film. Voilà, en disant, voilà, peut-être tu devrais te couvrir un peu, faire un plan de plus, peut-être ça va. Voir faire autre chose. Au montage, ça j'évite. Mais sinon, je me permets pas. Tu devrais peut-être élargir le plan où t'en allais. Tu devrais peut-être me laisser m'asseoir derrière le combo. Parce qu'on parle des stages de montage, mais combien de fois ai-je souffert de travailler avec des metteurs en scène qui ne connaissaient absolument pas notre outil, notre matériau, qui ne connaissaient pas l'acteur. Oui, c'est valable dans le ça, j'en ai souffert à 90% du temps. 90% du temps. Oui, oui, monsieur. Oui. Des gens qui, on n'a pas tous la chance d'avoir travaillé avec Chéroux, d'autres, des gens qui connaissent le matériau. Et c'est pour ça qu'en général, quand un acteur réalise son premier film, il y a toujours des bonnes choses à prendre dedans. Non, mais c'est vrai, parce que on connaît une partition et quand il manque un marchepied, un acteur, on la ressent. Donc on n'est pas contre lui, on est avec lui. Et j'ai très souvent souffert du regard de gens qui étaient là pour sans doute faire un film, parfois briller, parfois pour d'autres mauvaises raisons, mais des gens qui connaissent l'outil, le matériau de l'acteur, qui savent nous parler. Moi, j'ai pas eu la chance d'en croiser tant que oui, ça. Oui, et puis il y a des réalisateurs qui connaissent pas, qui pensent qu'une scène mal fichue, on va la sauver au jeu. Mais juste, on ne peut pas jouer quand c'est mal écrit et que, comme dit Pascal, il manque un marchepied, qu'il manque un truc psychologique. On peut pas le faire, c'est terrible. Et puis nous aussi, on n'a pas peur des acteurs. Il y a beaucoup de réalisateurs qui ont juste peur des acteurs. C'était ma ouais. prochaine question. Parce que aussi, ils pensent qu'il faut. Je pense qu'il y a une responsabilité des acteurs qui ont tendance à accréditer un mythe que tout viendrait à l'instinct et que le jeu, ça ne se pense pas, ça ne se réfléchit pas, ça se joue avec ses tripes. Les grands acteurs sont des gens qui pensent, qui réfléchissent énormément et qui ont une idée de la dramaturgie, de comment fonctionne une scène, une idée technique de l'ensemble du truc. Et juste pour finir, les réalisateurs, du coup, pensent non qu'on est des petites choses qui ne sont pas capables de comprendre comment va marcher la scène dans son ensemble et qu'il faut une stratégie pour la jouer. Pascal, les 90% dont parle. Je laisse parler. J'ai une anecdote vas-y, je t'en prie. Que m'a raconté Karen Viard. Elle tournait un film avec Anne Leni. Anne, tu l'avais énervée ce jour-là parce qu'elle n'arrivait pas à jouer une scène où il fallait apparemment. Il y avait de l'accessoire, il y avait tout un parcours un peu. Tu t'en rappelles ? Et elle m'a dit qu'est-ce qu'elle m'a énervée ? Elle était très agacée. Et Anne, comme elle est actrice, elle lui a dit bah, écoute, c'est simple, tu fais ça, tu bois, elle donne ses répliques, tu reposes, tu machin, tu grimpes sur l'échelle, tu prends l'avion, tu sautes en parachute et t'atterris. Et elle lui fait la scène et l'autre, elle dit salope, elle l'a fait. C'est pire que ça. Elle m'a dit non, je ne peux pas le faire ton truc. J'ai dit Karine, je pense qu'on peut le faire. Elle me dit non, je pense qu'on ne peut pas le faire. Et d'ailleurs, fais-le. Et tourne le plan. Elle est allée s'asseoir au combo. Je me suis dit, merde, là, si je me loupe, alors là, en plus, on n'est même pas à la fin du tournage. Donc, la crédibilité, ce n'est pas bien de se la saper en troisième semaine. Il faut attendre la fin de septième semaine. Et donc, j'ai fait la manip. Et au moment du coupé, j'ai entendu Karine au loin derrière le combo qui a fait « Salope !» Et elle a parfaitement réussi la scène après. C'est beau. Bravo. Pascal, les 90% dont parle Pascal, moi c'est un chiffre qui m'étonne assez. Non, mais je suis assez d'accord. On a des autistes, beaucoup de réalisateurs qui sont des autistes, qui n'ont pas le sens de l'humain. Mais heureusement pour nous, j'aime le sens de l'humour. De l'humour, et puis qui ne savent pas vous manipuler, qui ne savent pas vous parler, qui vous traitent. Parce qu'en fait, ils sont un peu des dieux ou des demi-dieux, donc ils ont un pouvoir. Et ça, j'ai l'impression que c'est plus fort que de réaliser une œuvre. Parce que c'est psychanalytique, on dirait qu'ils se vengent, ils ont un pouvoir, donc tu vas là, tu fais ça. Et un malin plaisir aussi, un peu sadique, parfois, c'est arrivé, à vous faire du mal parce qu'ils voilà, ils ont le pouvoir. Moi, j'aime bien cette phrase qui dit que l'échec est un diplôme, donc j'ai beaucoup appris grâce à ces gens-là, donc je les remercie, évidemment. Et je veux aussi vous remercier au passage Patrick Godot, qui est un réalisateur, qui est un producteur, avec qui je vais travailler l'année prochaine, qui va me permettre de faire mon deuxième film, et quelqu'un de vraiment qui est à l'écoute, de très intelligent, de cultivé, et je le recommande pour ceux qui ont envie plus tard de réaliser. C'est quelqu'un de très appréciable. Deuxième ou troisième ? Deuxième. Et troisième, on verra après. Eh bien oui. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Monsieur. Intelligente, hein, sujet VAP complément. Ah oui, c'est obligé. Parce que vu la teneur de ce qu'on vient d'entendre, il faut... Au revoir. C'était discret. Bonsoir. Moi, ma question, en fait, elle concernait le fait de se diriger soi-même, de jouer dans son propre film. Est-ce que c'est quelque chose qui a pu justement vous motiver pour réaliser un projet, ou au contraire, est-ce que c'est quelque chose qui vous fait un peu peur, que vous ne voudriez pas approcher parce que justement, c'est être un peu au four et au moulin ? Au four et au boudin, c'est ça que tu as dit ? Au moulin, désolé. Moi, mon premier film, j'ai pas joué dedans. Claude Zidi, qui était le coproducteur, m'avait conseillé de jouer dans mon film. J'ai dit, écoute, j'ai trop de travail, je réalise, j'ai écrit. Donc, je me suis fait faire des caméos. J'ai écrit des caméos, donc des apparitions complètement grimées avec des vrais personnages. Il y en a 5 dans mon film. Et c'est vrai que c'était plus facile pour moi de maîtriser pour un premier film l'ensemble de l'œuvre que je devais accomplir plutôt que de faire. Mais dans le deuxième film, bon, l'année prochaine, j'ai plus de maturité, d'expérience. Voilà, j'aurai plus de joie à être devant et derrière. Je pense vraiment que ça dépend des gens, puisque j'ai des camarades qui le font en étant présents à l'écran tout le temps. Enfin, je sais pas, je pense à Valérie Donzelli ou Agnès Jaoui. Ou... Moi, je sais que j'ai joué dans mon premier film un vrai second rôle, mais parce que je me disais, c'est la seule chose que je sais faire et je suis légitime à faire. Tout le reste, je suis un imposteur. Donc voilà, et ensuite j'ai eu tendance plutôt à raccourcir dans tous mes films suivants. J'ai pas beaucoup moi de plaisir à jouer parce que c'est j'adore jouer avec d'autres, mais c'est une énergie très différente. Et personnellement, je trouve difficile de passer de cette énergie-là à l'autre. J'ai pas envie d'aller me faire maquiller, j'ai pas envie de m'occuper de comment je suis machin, j'ai pas envie de. Puis je me dis aussi que c'est pas forcément agréable pour mes partenaires de se dire ils jouent tranquillement avec un partenaire et que pendant ce temps-là, je suis en train de faire toutes mes notes que je vais dire après. Oui, alors là, tu n'as pas fait ça et j'aurais voulu que tu. Etc. Voilà. Moi, j'ai un peu de mal, pas toi ? Ouais, c'est vrai que sur mon premier film, bon, j'étais la plupart du temps dans une civière à moitié brûlée, donc je me suis un peu aidé. Et sur le deuxième film, je devais le faire, et puis je me suis dégonflé. Un mois avant pendant la prépa, j'ai appelé Vincent Elbaz pour lui dire « Vincent, je suis pas sûr de mon coup, lis-le quand même », mais il a lu une heure après. Donc c'était un peu court pour moi, tu vois. Et donc je le vois le lendemain matin, et on fait une séance de travail, et puis... il ne faut pas réfléchir. Je me vois lui jeter le scénario en lui disant « il est à toi ». Alors que je n'avais vraiment pas réfléchi à ça. Mais en fait, oui, c'était un film en 6 semaines sur 2 pays. Ça aurait été complètement suicidaire de le faire. Après, maintenant, là, sur mon prochain film, oui, c'est un sujet qui est très personnel. Donc, c'est compliqué de l'expliquer à quelqu'un d'autre, puisque c'est quelque chose qui parle de. Enfin, vous le découvrirez, j'espère. On va parler de vos projets tout à l'heure. Ouais, ça parle d'un handicap. Teasé, c'est un film qui parle sur le handicap qui me touche de près. Donc, je vais le faire moi, mais avec la crainte de le faire. Parce que justement, là où Anne a complètement raison, quand on est sur un plateau derrière, on est avec son équipe. Déjà. Aussi, ça aussi, il faut que les comédiens, il faut qu'ils comprennent que nous, on est des invités sur le plateau, parce que quand on fait un film, on est 2 mois avant en préparation du film. Donc, être en préparation, ça veut dire le matin rencontrer un maçon parce qu'on doit faire un décor de telle façon, l'après-midi rencontrer le directeur d'un centre pénitentiaire, puis le soir un tapissier, puisque vous voulez. Vous êtes un espèce de maître d'œuvre. Hein, pendant 2 mois, vous êtes avec une équipe comme ça, soudée, à travers les éléments, toutes les difficultés d'une préparation, on n'a plus l'argent, il faut reprendre. Et puis tout d'un coup, je me vois sur le dernier film, mon premier assistant qui me dit « T'oublie pas qu'il y a les acteurs qui arrivent jeudi », et je me vois lui répondre « Ah ouais, il y a ça aussi ». Parce que j'étais tellement avec mon équipe qu'on fait corps et qu'il y a quelque chose de très fort. Donc quand les acteurs ils arrivent, il faut qu'ils redescendent. Sans eux, il n'y a pas de cinéma. Vive les acteurs! Mais nous ne sommes qu'une partie, une composante de cette histoire folle qui est de, à partir de rien, d'ex nihilo, de bâtir une histoire et de faire en sorte qu'un jour il y a des gens qui sont émus et qui viennent avec leur bébé écouter des gens qui ont fait de l'image. C'est un long processus, mais de jouer dedans, réaliser, non, c'est pas. D'autres l'ont fait, Woody Allen l'a fait très bien, et puis plein de gens, mais je pense que ça participe pas au même plaisir. C'est vrai qu'on n'a pas envie d'être maquillé, on n'a pas envie qu'on nous emmerde d'aller tout d'un coup se préparer alors qu'on est encore en train de régler. On adore ça quand on est acteur. Ouais. Mais pourtant, les 3/4 du temps, les films réalisés par des acteurs, on les voit souvent à l'écran. Est-ce que c'est pas une demande des producteurs qui préféraient peut-être que vous soyez présent à l'écran pour aider au financement et à la sortie et au lancement du film comme élément commercial? Ouais. Bah, c'est souvent le cas quand même. Hein. Oui, oui, bien sûr. J'imagine que le jour où Jean Dujardin fera son premier film, s'il dit à la place, j'aimerais bien mettre Étienne Chouard. Pardon, Jean, c'est pas la même chose. Donc c'est vrai, mais là, il faut que ce soit plus ouvert que ça. Et puis, c'est pas des bonnes façons d'aborder une histoire quand on est producteur. Et c'est vrai que avec l'ARP, aujourd'hui, on est un peu dans ces discussions aussi qui nous ramènent aussi au. À terre, c'est compliqué aujourd'hui de faire du cinéma. On est soumis à certaines règles. Et c'est vrai qu'on peut avoir tendance, consciemment ou inconsciemment, à se censurer, parce qu'on sait qu'il y a des sujets aujourd'hui qui auraient du mal à trouver leur chemin. Et c'est vrai qu'à même déjà à l'écriture, il faut qu'on soit conscient de ces enjeux. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je remercie encore tous les autres camarades de l'ARP, parce que c'est un combat qui est fou. On vit un bouleversement absolument fondamental pour notre devenir d'artiste. Et je pense à vous tous qui avez envie peut-être d'écrire et de faire. Le combat, il se joue en ce moment. C'est chaud bouillant, c'est maintenant. Et on n'est pas passé loin, il y a quelques semaines, d'une grosse catastrophe qui concerne l'héritage de Beaumarchais, hein, qui est le droit d'auteur européen. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, tout ça, par couche, par strate, finit par nous impacter. Et c'est vrai que quand il s'agit après de fantasmer sur un sujet, moi, il m'arrive parfois d'avoir trouvé une ou deux fois des sujets qui étaient sans doute des sujets de cinéma, des sujets qui auraient mérité d'être filmés pour le cinéma et pas pour un unitaire télé. Et je ne l'ai pas fait parce que je me suis dit le chemin va être tellement périlleux que j'ai manqué de courage. Alors moi, j'aime bien la question qui fâche, allons-y. Vous avez peut-être des projets qui ne peuvent pas être produits aujourd'hui dans la structure économique du cinéma français. On sait que la production devient de plus en plus difficile, que sans coproducteur européen ou même international, ça devient quasiment impossible de faire un film, ce qu'on appelle les films du milieu ou les petits budgets. Est-ce que vous seriez prêt à choisir d'autres médias, Netflix ou d'autres, la télévision On va. Est-ce que c'est une ouverture aujourd'hui que vous, à laquelle vous pensez? Oui, enfin, je pense oui, bien sûr. C'est difficile de se dire là maintenant, on ne va plus faire que du cinéma. Voilà, moi j'ai fait 5 longs métrages. Vous travaillez tous à la télé d'ailleurs. Vous êtes en train tourner Baron Noir. Non, mais c'est un autre. Acteur. C'est autre chose. Oui, bien sûr, c'est pas la même chose. Ensuite, le cinéma, évidemment, on a tous des projets de cinéma, mais on a cette chance inouïe. Évidemment, avec des contraintes d'avoir quand même des noms, si on a un sujet un petit peu sombre, on va avoir un plus petit budget, etc. Et puis moi, je n'ai jamais fait un film, et je ne peux pas me plaindre des budgets que j'ai eu, mais je n'ai jamais fait un film où je n'ai pas été obligée de couper 4 décors pendant la prépa, parce que ça coûtait trop cher et qu'il fallait réduire. Mais en tout cas, même avec toutes ces contraintes, on a quand même cette liberté extraordinaire de pouvoir faire ce qu'on veut et dire ce qu'on veut. Aller travailler pour la télévision, on travaille pour un client, malgré tout. Un client qui connaît son public et qui veut que ça rentre dans les choses. Ensuite, je sais pas, on s'est tous mis aussi à regarder des séries comme des dingues, etc., et avoir envie de ça, avoir envie de prendre un personnage sur un temps long, de travailler différemment. Mais donc, moi, j'ai un côté, j'imagine comme beaucoup d'entre nous, j'ai aussi des projets de télé, puis j'ai été aussi démarché par des producteurs de télé à certains qui, très honnêtement, il y a 10 ans, j'aurais dit non. Et puis là, je me dis que l'endroit où on va pouvoir faire des choses, en particulier des sujets un peu sociaux, peut-être un peu plus graves sur certains trucs, ça va plus être la télé que le cinéma. Après, c'est... Et les plateformes ? Les plateformes, voilà, tout ça. Enfin, ensuite, les plateformes, c'est, vous savez, cherchent les diffuseurs après. Ouais. Voilà, mais nous, on est comment dirais-je, quand il s'agit de parler d'héritage, de patrimoine, on est dans le droit d'auteur, on est dans le cinéma. C'est tout le débat qu'on a, surtout que vous avez avec l'ARP depuis un moment donné, c'est que, évidemment, pour nous, c'est des possibilités, c'est des fenêtres supplémentaires, des plateformes de travail. Vous avez aujourd'hui Netflix, mais qui est rien comparativement à ce qui va arriver bientôt entre Apple TV, Facebook, Disney et Fox, qui ont fait, et le plus gros, c'est encore, je crois, Alibaba, c'est ça, ou qui arrive. Enfin, ce qui nous arrive nous dépasse, mais c'est pas ça. C'est tout le combat n'est pas là. C'est de se dire, est-ce qu'on se vit comme des artisans et on fait de l'art, ou est-ce qu'on est des créateurs, donc? Avec nos limites aussi, mais bon, des créateurs, ou est-ce qu'on se vit comme des mercenaires de l'image ? Parce que pour un film de Cuaron qu'a fait Netflix, Évidemment, Disney Fox, ils m'ont attiré Spielberg et une autre plateforme pour venir deux, trois grands réalisateurs en leur laissant vraiment les coups des franches. Mais pour eux, on essaye de leur expliquer que oui, mais c'est quoi les Cuaron et les Spielberg et les Kurosawa de demain ? Ceux-là, c'est les jeunes cinéastes qui aujourd'hui, qui au début, dans leur premier film, ont peut-être fait que 50 000 entrées, mais peut-être que le troisième, il va aller avoir la palme à Cannes, et peut-être que le quatrième, il fera 3 millions d'entrées. Ceux-là, ils vont disparaître. Si on reste dans la règle des plateformes, ils vont disparaître parce que pour eux, ils ne veulent pas le. On a beaucoup de mal. Radu, hein, Radu Milanou, qui avait un projet de télé, avec une grosse boîte de com, et ben, il a vite compris qu'il n'avait pas le droit d'avoir le final cut, d'avoir son parti pris, son angle de vue. Ça veut dire qu'il était devenu tout d'un coup un fabricant. Et le grand danger des plateformes aujourd'hui, ce n'est pas juste l'enjeu du cinéma, c'est l'enjeu de la culture dans son ensemble. C'est pour que dans 10 ans ou dans 15 ans, nos enfants puissent continuer de penser comme des Européens et pas comme des Américains ou des Australiens. Pour autant, il ne faut pas avoir ces plateformes comme l'ennemi. Mais il faut que ça se passe dans le respect des règles. Pour nous, c'est des terrains de jeu supplémentaires, mais il faut savoir où on met les pieds. Un jour, j'avais une discussion, pour finir là-dessus, j'avais une discussion avec Vincent Lindon, qui dit pas que des bêtises, même quand il s'énerve. Et il m'a dit un truc très juste, il me disait oui, les séries, la dramaturgie, il y a une nouvelle écriture qui est remarquable, mais merde, il y a qu'une chose qu'on voit et qu'on revoit, c'est un film de cinéma. Une série, ça se revoit pas une fois qu'elle a été spoilée, qu'on l'a vue. Elle est dénaturée. Un film. Moi, mon fils, hier, a découvert L'Aventure. C'est L'Aventure au moment de passer le bac. D'ailleurs, ça m'inquiète. Quand même, il a regardé hier L'Aventure, c'est L'Aventure. Il avait les épreuves ce matin. Mais d'un coup, il vous parle de cinéma. Il vous dit, c'est génial, c'est super drôle. Alors que moi, j'en ai même pas parlé. C'est entre eux. Mais vous n'arriverez jamais 20 ans plus tard. T'as vu Belle et Sébastien ou t'as vu Les Baguettes du Tigre, l'épisode 8, quand il perd sa canne. On en a rien à foutre. Et vous pouvez regarder les séries les mieux écrites, et Dieu sait si on a tous été fans d'une série, ça ne remplacera jamais l'art et le cinéma. Un bon bouquin qu'on peut se passer, dont on peut reparler. Enfin, ça, c'est pas mon point de vue, je pense que c'est le point de vue général. Oui, bien sûr. C'est d'autres modes de narration, mais certainement pas une liberté. Puis qui peut dire le nom du réalisateur d'un épisode d'une série Netflix ou même d'un unitaire sur Netflix. Cette signature unique, singulière, où on peut développer un univers avec une certaine liberté, voilà, c'est quand même encore le cinéma. C'est vrai, quand on dit, t'as vu 24 heures chrono ou The Lost, on ne parle pas de réalisateur, c'est vrai, c'est quand on est anonyme. Mais il y a un problème aussi qui se pose, c'est que des fois on est inféodé, évidemment, par des structures qu'on appelle des chaînes, mais il y a des gens qui pourraient vous dire aussi, oui, mais ton film, c'est plus un film de télé. Des gens qui vont vous imposer ça, et vous dire, ah, mais c'est quoi qui fait que la différence, c'est quoi le ratio pour justifier que ça soit au cinéma. Et des fois, on... Parfois, il y a plein de films. Parfois, il y a quand même souvent, je lis des sujets pour le cinéma, je dis, mais pourquoi on ne fait pas un bel unitaire ? Exactement. Ce n'est pas un film qui va aller... c'est un film dont la thématique va être réduite au cinéma, faisant un bel unitaire. Une fois de plus, vive le cinéma, mais moi, j'ai découvert des unitaires pour la télé, c'est un outil génial, et des séries... là, j'ai découvert Dans leur regard, c'est ça, sur un procès avec... 5 jeunes blacks qui illustrent la justice américaine. En 4 épisodes, vous avez un panorama absolu, une photographie terrible de la justice dans ce pays. Mais au cinéma, on n'aurait pas pu le faire. Je vous parlais de Stéphane Frears, il vient de faire une série qu'on n'a pas encore la chance de voir en France, sur un procès qui s'est passé en Angleterre avec un député conservateur qui a couché avec quelqu'un, avec un gay, ça lui est tombé à la gueule. Et il a sauté, c'était avec Hugh Grant. Bon, quand on discute avec Stéphane Frears, oui, ils lui ont laissé plutôt de la liberté. Il m'a dit, mais jamais comme si je faisais un film. Et là, c'est une short série. C'est vrai que c'est bien foutu, mais c'est pas la même écriture. Et d'ailleurs, j'adorais tellement les séries que c'est une maîtresse qui peut être très compliquée quand on écrit. Parce qu'on a tendance à poser un peu plus les personnages, leur dramaturgie, à les installer davantage. Et c'est des scènes souvent qui sont très réussies. Mais elles n'ont pas leur place dans un film. Parce que c'est plus court. L'écriture de série, elle peut être aussi très dangereuse pour les gens qui écrivent du cinéma. Pour autant, c'est une écriture nouvelle, C'est extraordinaire. Bah, c'est l'efficacité avant tout. Oui. La télé, c'est l'efficacité. C'est vrai qu'il y a plus d'artistique. Madame, merci. Bon voyage, bon retour. Elle a un train. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Monsieur. Merci. Je voulais revenir sur la petite histoire que vous nous avez racontée tout plus tôt. C'était Karine Viard, je crois. Et du coup, je voulais parler de ça pour parler de la façon que vous avez pour diriger vos acteurs. Du coup, déjà, vous, en tant qu'acteur, j'imagine que vous avez un processus ou une méthode de jeu spécifique à vous. Du coup, une fois que vous passez derrière la caméra, est-ce que vous avez une méthode, cette fois, pour diriger vos acteurs ? Est-ce que vous acceptez peut-être une méthode qui, à eux, leur est personnelle ? Ou est-ce que vous imposez la vôtre chez eux ? Oui, chaque acteur, alors méthode, je ne parlerai pas de méthode, ensuite chaque acteur a sa manière de travailler, il y a des acteurs à qui il ne faut pas trop parler, d'autres à qui il faut beaucoup parler pour les rassurer, il y a des gens qui sont de la première prise, hein, qui vont direct, puis il y en a d'autres qui sont de mieux en mieux en travaillant. Je pense qu'un des trucs, surtout quand on est acteur, réalisateur, c'est qu'on ne se fait pas avoir par les acteurs. On ne tombe pas sous le charme d'un petit truc un peu mignonnet. Tous les acteurs ont leur truc, on les a tous, nos petites techniques, quand on a du mal à aller dans une scène, etc., des choses qui font un peu naturel, un peu machin, etc. Voilà, on ne se fait pas avoir à ces choses-là. Donc, je pense qu'on sait mieux comment éplucher un acteur. Moi, ça m'est arrivé de dire à un acteur, voilà, là, tu es comme un oignon, là, et je voudrais que tu enlèves cette couche-là. Et puis aussi, cette couche-là, ça, c'est la couche de tu as trop tourné dans des séries pour France 2, ça, c'est la couche de tu as trop fait de théâtre, machin, ça, c'est la couche, etc., pour arriver à quelque chose de plus vrai, de plus, voilà, de ce que je veux, ce que je demande. C'est ensuite, voilà, moi, les acteurs, je les laisse un peu travailler à leur façon. Je sais juste que ce que je demande est atteignable et je peux demander des choses très précises et très exigeantes. Et aussi, je pense que quand on est acteur, on sait que les acteurs, ils adorent qu'on leur demande des trucs compliqués. Tu parlais de Vincent Lindon, moi j'ai pu demander à Vincent Lindon. Là, tu vois, dans cette prise-là, à ce moment-là, tu as dégluti. Est-ce que tu peux ne pas le faire, s'il te plaît ? Et il fait, voilà. Et Vincent, il fait, tu l'as vu. J'ai dit, oui, Vincent, je te regarde. Voilà. Et donc, je lui dis, parce que ça a un peu coupé l'émotion et j'aimerais au contraire qu'il y ait un truc qui reste en suspens. Et on peut leur demander des trucs hyper difficiles parce que les acteurs, ils aiment quand on leur met de la difficulté. Moi, je leur dis toujours, quand je dis très bien, c'est pas la fin du travail, c'est le début du travail. Ça veut dire que ça y est, c'est bon, on a un truc où c'est bon. Maintenant, je vais vous demander des trucs emmerdants à faire parce que je vois que vous jonglez avec 4 balles, je vous en mettre une 5e, puis une 6e, puis une 7e pour voir jusqu'où vous pouvez aller. Donc, je voilà. Je pense que c'est pas un truc de méthode. C'est quoi on peut dire des fois aussi un truc un peu technique qu'on connaîtra. On peut reconnaître les problèmes. Il me semble. On peut identifier les problèmes. On peut dire, là, tu vois, tu n'arrives pas. Je pense que tu n'y arrives pas parce que tu ne le prends pas exactement de la bonne façon et que c'est sur cette phrase-là que tu ne le prends pas de la bonne façon. Et parce que tu coupes le sens là, et si tu laisses le sens ouvert, ben, ça va te permettre d'aller plus loin et d'atteindre le truc que tu as à dire. Voilà, il faut que tu vises ça dans la scène. Voilà. Et puis, on identifie les trucs et ensuite, on les laisse trouver leur moyen de le faire en débarrassant du problème. Pascal ? Ben, elle a tout dit, mais c'est vrai que pour conclure, il faut identifier les acteurs que tu as en face de toi, il faut identifier leur psychologie pour pouvoir leur répondre et obtenir ce que tu veux. Les acteurs, tu vas un peu taper dessus, d'autres, tu vas prendre à part, d'autres, tu vas expliquer en détail. Donc, effectivement, oui, mais la clé, c'est de savoir à qui tu as en face. Voilà. Moi, je rajoute une petite question à la voûte. Est-ce que le fait d'être acteur permet d'écrire différemment un scénario, des dialogues ? Ah, les dialogues sûrement. Ah oui, oui. Parce que moi, je fais toujours des lectures avec les acteurs. Ouais. Non, je pense qu'il est d'accord. Quand un acteur n'arrive pas à dire une ligne de dialogue, 99 fois sur 100, c'est que le dialogue est mal écrit. La syntaxe n'est pas bonne. Et ça, on le sait. Et ça, parce qu'on a tous eu dans la bouche des trucs impossibles à dire et indisables. C'est terrible. Voilà. Ouais. Donc oui. Ça, oui. On se l'est dit, quoi. Et si on se l'est dit, les dialogues et... C'est vrai. Moi, il m'est arrivé de faire deux fois deux séries de télé. Une série qui est adaptée d'un bouquin d'Alan Coben et une fois de Michel Bussy, c'est ça. Bon, déjà, on ne peut pas dire que ce soit non plus James Ellroy. C'est déjà pas non plus partir de... Mais là, les adaptations, heureusement qu'on était quelques acteurs souples. Soudés et souples pour rejouer la scène et la réécrire. Et deux fois par semaine, on avait des... Je me rappelle de deux séances avec Alexandre Alamy où on était avec le producteur et Alan Coben au téléphone là-bas à New York. On réécrivait des trucs parce qu'on sentait bien. Mais ça, c'est parce que on a ça en nous. On a cette souplesse-là de pouvoir analyser tout de suite. On se dit, mais ce truc-là, ça... C'est beaucoup trop écrit. Là, je sens la patte de l'auteur. C'est pas naturel. Mais, voilà. Mais après, maintenant, juste pour finir avec l'histoire de la méthode, vous savez, moi, je pense qu'à un moment donné, il faut laisser tomber les manuels de comment écrire un scénario. Il faut laisser tomber les mecs qui vous parlent trop de méthode. Vous savez, quand on était au théâtre, combien de fois on m'a emmerdé avec Stanislavski, Grotowski, j'ai toujours pas compris. J'aurais mieux fait d'aller lire Dostoïevski plutôt que de m'emmerder avec Grotowski. Non, mais c'est vrai. Et je me dis... Parfois, il faut, je vous assure, c'est un métier quand même qui est particulier. Vous avez vu, il n'y a personne d'entre nous qui a le même profil. On vient tous de milieu et on n'a pas fait l'ENA du cinéma ou pour certains, on a fait la Fémis peut-être. Mais je trouve qu'il faut y aller avec un couteau comme un gitan et avec sa conviction et de se dire, bon, bah, cette histoire, c'est la mienne. Je ne sais pas si elle ressemble aux autres. En tout cas, c'est la mienne et j'y vais. Et quand on te donne le feu vert pour y aller... Tu verras qu'avec les acteurs, tu vas trouver le chemin et que tu vas voir sur la situation, il est compliqué celui-là. Et ben, tu vas l'avoir différemment. C'est un rapport amoureux. C'est un rapport à l'autre qui est un rapport amoureux. Quand on est entre acteurs, même parfois, on essaye de se charmer pour se séduire, pas pour forcément prendre l'ascendant, mais surtout pour se charmer, pour que ça devienne un exercice de séduction. Et donc, si vous êtes séduit, ben, vous allez au-delà. Mais il faut parfois, je vous assure, j'aime. C'est difficile toujours de donner des conseils parce que nous-mêmes... Il faut aimer ses acteurs. On ne peut pas filmer quelqu'un dont on n'est pas amoureux, homme ou femme. Il faut aimer ses acteurs. Il faut les aimer pour qu'ils puissent jouer aussi, c'est ça. Mais vous ne laissez pas bourrer le mou parfois par un prod ou des mauvaises raisons de choisir quelqu'un que vous n'aimez pas. Ça, c'est terrible. Aimer un acteur, ça veut dire l'accompagner. Puis tout d'un coup, il sera assez bienveillant si c'est votre premier film, par exemple, pour vous accompagner. Ça vous est jamais arrivé ? Oui, oui. Alors, non, mais ça m'est arrivé de me tromper. Et pas souvent, heureusement, mais de me tromper. Non, c'était que ma faute à moi. Et ça, c'est difficile de diriger quelqu'un qu'on n'aime pas. Parce que, ne serait-ce que quand on aime un acteur, il joue bien. Ouais, puis tu dois le sentir quand il n'est pas aimé l'autre, ça doit mais être compliqué. Oui, voilà. Puis tu choisis un acteur pour le rôle, c'est déjà 50% du travail qui a été fait, parce qu'on le choisit en fonction de ce qu'on a dans la tête, et ça c'est important, c'est vrai. Il y a d'autres questions. Allez. Oui, j'allais oublier. Mais parfois, il peut y avoir des miracles en série TV, par exemple, Amicalement Vôtre. Quand on connaît un peu l'histoire, alors je sais c'est vieux, d'accord, mais bon, il faut connaître un peu l'histoire, ça a été fait en 24 épisodes, il devait y avoir même une deuxième saison, et en fait ça s'est joué comme ça, c'est-à-dire qu'ils cherchaient quelqu'un pour jouer le New Yorkais, donc ça a été Tony Curtis, mais à l'époque Tony Curtis était sur la pente descendante, il ne tournait plus vraiment, et donc Lou Grade, qui était le producteur de Amicalement Vôtre, a dit qu'était pas, les mecs disaient non, Tony Curtis, il refusera de faire la télévision, même s'il est un peu de la loose, hors de question, il n'en a jamais fait. Et Lou Grade a dit, vous inquiétez pas, je vais aller le voir, et je suis sûr qu'il ne refusera pas. Il va le voir, la première chose que lui dit Tony Curtis, en ouvrant la porte, vous savez, je n'ai jamais fait de télévision. Il va falloir, vous inquiétez pas, on a un budget. Et là, c'est vraiment miraculeux, parce que si on imagine le rôle de Tony Curtis, de Danny Wilde, je veux dire, il n'y avait personne d'autre pour le jouer. Et regardez les mômes, les gamins, quand vous discutez avec eux, quand ils regardent les replays d'Amicalement Vôtre, ils adorent parce que c'était excessivement bien joué. Il y avait du dialogue et tout ça. Et même si à l'époque, Tony Curtis, il y avait des heures avec Roger Moore, ça ne marchait pas trop. À la fin, il disait « Je suis très fier d'avoir fait ça parce qu'effectivement, on retiendra aussi de Tony Curtis qu'il a été quand même Danny Wilde. » C'est quoi votre question ? Sans oublier... Non, c'était non, parce que vous disiez, ouais, les séries patati. Non, effectivement, parce qu'il y a des séries Kleenex, mais là, c'est une série qui est vraiment. Le prisonnier. Qui est dans... pareil, ouais, oui, mais là, c'est de l'entertainment, là. C'est vraiment de l'entertainment de haute qualité. Ouais. Sans oublier la part française avec les doublures, Michel Roux, oui, absolument, absolument. Qui doublaient les acteurs qui ont rajouté leurs pattes et qui ont donné ce petit plus. C'est vrai, dans la version française. Et le générique. Bien sûr. Mais bon, voilà, quoi. Comme quoi, il ne faut pas. Ah oui, on est d'accord. Non, bien sûr, non, attendez. Moi, je. Ouais, hier soir, j'étais jusqu'à 1h du matin sur cette série-là, dans leur regard et tout. Là, les séries me donnent aujourd'hui sans doute plus de. Mais bon, j'ai pris ma carte cinéma, là. Oui. J'ai pris 2-3 cartes. Mais je peux vous dire que je me suis un peu éclaté, mais un peu plus au cinéma que. Oui, non, mais quand, séries, voilà. Quand on en voit beaucoup des séries, au bout d'un moment, moi, quand je vais revoir. Et j'en regarde beaucoup, hein. Alors J'adore. Mais je vois un film, j'ai l'impression que ça m'a. Remis les compteurs à zéro, que ça me relave la tête. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, c'est ça. On consomme. C'est ça qu'on veut faire. C'est ça qu'on consomme des séries. Exactement. Et justement, il ne faut pas les consommer. On joue du cinéma. Il faut choisir. Non, mais je l'ai choisi. Choisir la qualité. Je ne regarde pas n'importe quoi. Mais néanmoins. Regardez Vera ou regardez des trucs comme ça. Bon, voilà. Je vais être entre. Il y avait une dame qui voulait parler là-bas. Je vais être juste entre les deux en disant que Pascal, qui tourne en ce moment dans Baron Noir, est une excellente série qui aurait pu. Et par exemple, sur le Bureau des légendes, Pascal Ferrand a travaillé, a tourné plusieurs épisodes. Cette année, ce sera Jacques Audiard qui va tourner 2 épisodes de la série. Donc, il y a aussi des ponts qui peuvent se faire. Il y a une autre question. Madame. Bonsoir, Estelle Baldassin, je suis comédienne. Et j'aimerais savoir comment vous travaillez avec vos comédiens en amont du tournage. Vu que vous êtes comédien aussi, moi, enfin, je suis une personne qui aime beaucoup travailler en amont. Je trouve ça important. Je trouve qu'on ne travaille pas assez. Et donc, je voulais savoir comment vous, en tant que réalisateur, vous travaillez en amont avec vos comédiens. Pas. Non, c'est vrai. Moi, je fais juste, je ne sais pas comment vous faites, vous. Moi, je leur donne le scénario, je leur parle du personnage. Je fais une lecture où je fais semblant que c'est pour remettre le scénario, que c'est seulement pour les dialogues, pour remettre le scénario comme ils veulent, pour qu'il n'y ait pas des trucs qu'ils ont. En leur demandant de lire plutôt un peu à plat. Et voilà. Et je suis là aux essayages des costumes. Et je vais vous dire, là, il se trouve que je suis intervenante sur un stage avec c'est que des acteurs. Hein, vous devez connaître un stage AFDAS. Et où on a répété. Donc, c'est un truc de jeu à la caméra. On a répété. On a fait plusieurs séances de répétition. Et là, hier, on a tourné tout. Mais celle qui avait été le plus répétée était tellement la moins bien. C'est autre chose, le jeu à la caméra. Et oui, il faut en parler. Puis il y a des acteurs qui ont besoin de vous rencontrer beaucoup pour en parler, etc. Mais je vais vous dire, moi-même, quand j'ai le temps, j'écris d'autres scènes pour les essais, pour qu'ils ne jouent pas les scènes du film, parce que sinon, on les crame. Et même comme actrice, combien de fois ça m'est arrivé de passer la scène avec, vous faites une scène d'émotion et de pleurer toutes les larmes de mon corps aux essais. J'en avais plus au moment du tournage. J'étais moins bien. Colline Serrault, par exemple. C'est une autre forme de travail, Colline vraiment. Colline Serrault, j'ai eu l'occasion de travailler sur Saint-Jacques-la-Mecque avec 9, en compagnie des 8 comédiens, Daroussin, Marielle Robin, Feu Artus de Pinguerne, Marie Crémer et consorts. Et donc, elle voulait qu'on ait le texte su au premier jour de répétition. On a répété 1 mois, 4 heures par jour. Et il est certain que sur le tournage, on avait une liberté qui était exceptionnelle, mais on avait un mécanisme, mais qui était voulu par elle, parce qu'elle, comme elle est musicienne, elle a une musique qu'elle impose, et ça, c'est voulu. C'est-à-dire qu'elle fait ta-ta-ta-ta-ta, notaire, et non pas notaire, notaire, non, notaire. Et c'est vraiment à la note près. Donc ça, c'est un rendu du metteur en scène qui exige ça. Mais c'est vrai que je suis un peu comme vous, trop répété, on perd ce qu'on appelle la substantifique moelle et on a besoin un peu de... D'ailleurs, on dit souvent, on fait une scène, après, vas-y, lâche-toi, fais-en une pour toi. Des fois, ça arrive et on a des miracles. Il y a un truc, on vole un peu la caméra, on vole le théâtre. Voilà, moi en plus je viens du théâtre, je fais le conservatoire, machin, etc. Et j'adore les acteurs de théâtre, mais on maîtrise tout quand on est au théâtre, etc. La caméra, il faut qu'elle vous pique des choses que vous ne savez même pas que vous avez. Si vous avez trop répété, ben, vous le savez, vous commencez à plus contrôler votre jeu. Il y a un truc plus du rap. Et puis on est quand même dans un système où parfois le comédien, vous le rencontrez le lendemain de la fin du film presque. C'est-à-dire qu'il... Moi, je me suis retrouvé un jour à... Mais non, mais si vous aviez vérité, vous savez, quand on est acteur, on vous dit toujours, j'aimerais bien qu'on revoie quelques scènes, qu'on se réunisse, on dit toujours, oui, bien sûr, tu rigoles, bien sûr. Et puis, il a tellement de boules en prépa qu'il vous appelle le jour du tournage. Et puis voilà, il faut toujours dire oui dans ce métier, dites oui. Et ça ne mange pas de pain, le oui est acquis, le non... Ah oui, aussi. Ça, on les hait, on les hait. Ça, c'est terrible, ça, c'est terrible. Ah, ouais. Donc, c'est aussi le texte su, ils font ce qu'ils veulent, mais il faut qu'ils régurgitent, il faut qu'ils intègrent tout ça. Parfois, ils prennent ça à la légère, c'est dommage. On arrive malheureusement au terme de cette discussion, assez passionnante, je l'avoue. Pascal, vous nous avez parlé de votre projet. Anne et l'autre Pascal, vous pouvez nous dire vraiment en deux mots, très rapidement, sur quoi vous travaillez en ce moment? Je travaille sur le personnage de Marie-Thérèse, qui est un des personnages cultes des Inconnus. Mais en fait, je m'en sers de ce personnage-là. Et donc, c'est un film sur les erreurs médicales, parce que j'ai été touché dans ma famille par des erreurs médicales. Donc, ça me touche, donc j'ai envie d'en parler. Et donc, ça serait en gros l'histoire d'un chirurgien cardiologue de haut niveau qui est victime d'une erreur médicale, mais qu'il n'a pas commise. Donc, il y a un méfait. Et donc, pour enquêter, il ne peut pas enquêter, donc il ne peut pas aller à l'hôpital parce qu'il y a une enquête qui est faite. Et donc, justement, il y a une copine comédienne qui veut lui dire, écoute, t'as qu'à espionner, va à l'hôpital, déguise-toi en infirmier. Il dit, oui, mais ils vont me reconnaître, c'est pas possible. Déguise-toi en infirmière, comme l'émission Patron Incognito, là. Il dit, attends, je ne vais pas jouer Dustin Hoffman, je ne suis pas acteur, je ne suis pas... Puis l'accent créole, je ne sais pas, enfin, je suis né à Paris, je vais t'aider. Donc, c'est une comédienne qui va aider un chirurgien qui gagne 50 000 euros par mois à devenir aide-soignante, voire infirmière, pour enquêter. Mais en même temps, il va se confronter au quotidien de ces femmes qui ont un boulot énorme. Donc, il va mettre la main à la pâte et il va donc évoluer. Il va avoir une empathie. Humainement, il va évoluer tout en faisant son enquête. Et on va découvrir effectivement comment ça se passe dans ces endroits où il y a des choses pas très jolies. Voilà. Anne, vous travaillez sur un nouveau... Mais c'est une comédie, je vous rassure. Ça donne envie, en tout cas. Anne, vous travaillez? Oui, je travaille tout le temps. C'est ça aussi, quand on est réalisateur, c'est qu'on travaille tout le temps, on a toujours un truc. Oui, j'ai fini le scénario d'un film, voilà. Donc je vais commencer le casting pour essayer de le tourner. J'ai un truc de saison de le tourner plutôt cet hiver, enfin fin d'hiver. Et puis je travaille aussi, j'écris aussi, voilà, des projets. J'ai trois de mini-séries, voilà. D'accord. Merci à vous trois d'être venus. Merci à vous. Merci à tous d'être venus. Merci aux partenaires de cette journée, en particulier l'ADAMI, aux côtés de l'ARP. Merci évidemment à l'équipe de l'ARC pour toute l'organisation. Et sachez-le, si vous avez soif, c'est le moment. Il y a un petit pot qui est organisé pour vous. Merci.